Venu calmer ta folie comme un bouquet sur le bord de la route. Quand c'est gris, on fait du bruit vu que le silence porte la honte. Sans problème, j'écris sans peine, mon stylo va où tout le mène. Même le peur me dégoûte, je les écoute et c'est tous les mêmes. Fidèle au tapalo, fracassé, je vois pas l'eau. Poubelle pleine de bouteilles cassées, le voisin sait que je bois pas de l'eau. J't'ai malé, ses étoiles brillaient, mais la vie m'a dit que c'était haut. Elle rêve de billets, ta gueule pliée devant ta scène, c'est haut. Fini de roupiller, j'comprends tout, que les gros billets ça te rend doux. J'ai commencé à taffer, j'ai vite capté qu'on prend tout. On passe notre temps à s'accrocher, mais pourquoi glisse-t-on à la barre? Constamment pisté, sans piston, trop de fiston à la barre. J'suis pas stockard qui veut taper des PC tas, qui écoute pas sa tasse, stop le shit pour sa pétasse, hélas. La confiance se brise là où le vice débute. Ça fait du bien de taper la bise à tous ces fils de pute. J'ai grandi noyé là, j'reprends mon souffle de justesse. J'pompe, j'sais pas ce qui m'arrive, wesh, moi j'voulais juste être bon. J'vis, j'encaisse, échec, dérive, j'y gère tout. J'embrasse ma galère tant que je me lève en vie, j'y retourne. Le vice nous charme ou la vitre nec vite sur le banc. J'arrive sombre à chaque balade, main vite sur bande. J'ai 200 plus sur la mais la nuit, j'm'allège quand j'vais prier. Phare étage, tiens le volant, j'rappe violent quand j'déprime. Wesh, j'poursuis ma route dans ma folie, mes fausses pertes. Pour trouver fausses pertes, j'suis là où la défonce berce. Hier j'cours après le danger, aujourd'hui j'cours après le danger. Le flow machinal, j'rappe final, dérapé tank. Vente de disques ou pas, le trapasse, y'a pas de risque qu'on le prenne. Mon cœur s'emballe puisqu'on presse, le manque siffle les vis qu'on prenne. Du moins un faut qu'on s'arrache, moi Air Max, elle converse. Regarde, les larmes qu'on garde sont plus. Ça l'excel converse. Éloigne-toi de là. J'fais ma vie. Les soucis dans la merde on navigue. J'perds le fil. Les années filent sous les lumières de ma vie. Éloigne-toi de là. J'fais ma vie. Les soucis dans la merde on navigue. J'perds le fil. Les années filent sous les lumières de ma vie. Éloigne-toi de là. J'fais ma vie. Dans la merde, on a besoin de prendre de l'âge. J'perds le fil, les années filent sous les lumières de ma ville.